Question 39. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me rapproche du véhicule blanc. Oui, réponse C. Non, réponse D.